parti là-haut. Il n'y a sûrement rien de plus beau. Et je sais que plus rien ne te fait souffrir, mais faut que tu m'apprennes à en rire. Moi je regarde le ciel de la terre, et y a toujours ce goût amer. Tant de choses encore à te dire. J'espère que t'as eu un bon accueil, que c'était pas trop dur l'ascension, que le voyage n'était pas trop long. Toi qui chérissais ton fauteuil, j'espère aussi qu'on y mange bien, ou je m'attends à te revoir dans le coin. Tu les aurais traités de cons, et comment c'est ta résurrection. Mais si tu décides d'y rester, ben, un de ces quatre rogers, profite de cette éternité. T'as des retrouvailles à fêter, allez, aide-moi à en rire. Ça doit être beau dans les nuages, les blancs, les vrais sans grise mine. Ici avec tout ce qu'on dégage, ce qui reste sortent des usines. D'ici tu peux m'en envoyer un, que je protégerai dans un coin. J'irai le voir que pour respirer, je ferai tout pour pas le contaminer. Mais faut que tu m'apprennes à en rire, tu rendais lointain l'avenir. Où l'air pur prend congé des vivants, pour faire vivre le ciel, il est drôle le temps. Aide-moi à en rire. Je sais qu'elle est intime mon histoire, que la pudeur serait de mettre au placard tout ce qu'on a pleuré dans sa chambre. Mais moi je veux le chanter pour que tu m'entendes, pour que tu m'apprennes à en rire. Parce que maintenant j'ai peur de vieillir, d'être bien seule ce jour-là. Moi je veux la même mort que toi, que l'on soit aussi fier de moi que je peux l'être de toi. Que l'on soit aussi fier de moi que je peux l'être de toi.